LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Au milieu du 19e, on peut estimer qu'il y avait environ 1800 hectares qui étaient cultivés à l'intérieur de Paris. Alors qu'aujourd'hui, dans les années 2020, on estime que l'agriculture urbaine à Paris, ça occupe environ 20 hectares. Donc il y a eu une déperdition extrêmement importante en termes d'espace cultivé en ville. C'est 2 euros les corbeilles. Aujourd'hui, les politiques en faveur de la recréation de ceintures vertes, c'est en fait recréer de l'agriculture en lien avec la ville. L'agriculture urbaine, c'est pas forcément l'agriculture qui est que dans la ville, c'est l'agriculture qui est en lien direct avec la ville. L'agriculture urbaine, c'est aussi des espaces d'entraide, de solidarité, d'échange, de compréhension de ce que c'est que l'agriculture, de comment on passe d'une graine à une tomate. Une ville, c'est un rassemblement, faut pas l'oublier, de consommateurs qui sont pas nécessairement des producteurs. Ravitailler la ville, hier et demain. Élise Gruot, Delicieux, Agnès Catou. Nous sommes dans le 19e arrondissement de Paris, dans le quartier Flandre, près du métro Crimée, rue Matisse. Et là, au pied de grands ensembles, de très hauts immeubles, se trouvent des entrées de parking. Et en souterrain a été développée une ferme urbaine qui s'appelle la Caverne, où sont cultivés des champignons de Paris. Attention à la tête. Et nous allons rencontrer Jean-Noël Gertz, qui en est le fondateur. Quatrième épisode, cultiver son coin de bitume. Donc voilà, là on est au niveau moins 2 de ce qui était avant un parking. Le niveau moins est encore en usage. Ce niveau-là sur lequel on travaille, il fait 2400 m2. Construit il y a 40 ans. D'ailleurs, l'accès, on voit bien, c'était pour des voitures qui faisaient sûrement 1m80 de large, pas beaucoup plus, quoi. Il fallait rentrer en 4M, mais aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Donc il était abandonné depuis déjà pas mal de temps. On a construit 7 salles de culture. Alors on fait de la production biologique, on est certifié agriculture biologique sur toutes nos productions. C'est pour ça que par exemple par terre vous pouvez voir un peu de chaux. On essaye de nettoyer le site avec des éléments minéraux naturels. Et là on voit des palettes de bois. C'est des cagettes dans lesquelles on expédie nos colis de champignons de 3 kg. Et vous les envoyez vers où? Vers les réseaux d'épicerie biologique, la restauration collective scolaire d'entreprise. Pas mal de petits restos indépendants, de petits réseaux d'épicerie indépendants. On travaille avec la coopérative Bio-d'Île-de-France, qui est un regroupement de 60 agriculteurs bio, 100% Île-de-France, et avec lesquels on fait tout le commercial et la logistique auprès de nos clients. Donc là, on ventile régulièrement notre site. Nos champignons et nous-mêmes, on a besoin d'un peu respirer. Et là, vous voyez notre salle de culture. Sur le fait des récoltes, on commence le matin à 7h, et comme ça, tous les jours de la semaine. Si on travaille un petit peu moins le week-end. Et pourquoi ce parking est approprié à la culture des champignons? Alors beaucoup de parkings sont appropriés à la culture des champignons. Celui-là est surtout bien localisé. Il est dans Paris Intramuros. Donc l'avantage d'être dans un parking souterrain, c'est qu'on a pas mal d'inertie thermique. La température elle varie entre 10 et 20 degrés toute l'année. On a une superstructure en béton armé qui est disponible. Donc on a du foncier dans lequel les propriétaires ne savent pas vraiment quoi faire. Ils ne savent pas comment le réutiliser. On a des accessibilités qui sont assez facilitées. On peut rentrer avec un véhicule, avec du matériel de manutention assez aisément. Tous ces ingrédients-là font qu'on arrive à produire des champignons ici, quasiment toute l'année. Et traditionnellement, les champignons de Paris, on les cultivait comment? L'image qu'on a, c'est dans les catacombes à Paris, ou dans des anciennes carrières. Donc on a déjà toujours cultivé dans des endroits abrités de la lumière du soleil. Les champignons ne font pas de photosynthèse. C'est d'ailleurs pas une plante, le champignon, hein. C'est pas un végétal. Donc ça peut se passer de la lumière directe du soleil. Agriculture urbaine. Si ces deux mots semblent de prime abord antinomiques et les horizons champêtres plutôt absents de notre expérience de la ville, l'usage alimentaire des espaces urbains n'est pas nouveau et représente même un accès primordial à la nourriture pour près d'un milliard de personnes dans le monde. Si les pays du Nord ont pris l'habitude d'un flux tendu de nourriture arrivant chaque jour vers les villes, c'est à grand renfort de transports mondialisés et de technologies de conservation sans précédent. Mais aujourd'hui, l'impératif de sobriété oblige à repenser le modèle en profondeur. Car tandis que les villes continuent de croître, et avec elles leurs besoins alimentaires, la logistique d'approvisionnement est à saturation. Manger du pétrole, ce n'est plus possible, ni souhaitable. Alors quoi de plus évident que de produire localement ce qui doit être consommé le plus frais ? Mais quand le sol vient à manquer, faut-il partir à l'assaut du ciel, monter sur les toits, investir les étages, plonger dans les souterrains, et même réinventer la terre pour retomber sur nos pattes ? Cultiver en milieu urbain, c'est ce que de nombreuses expériences audacieuses tentent, certaines renouant avec des gestes ancestraux, d'autres en version high-tech. C'est aussi repenser l'usage des sols. Car pour que l'hyper-minéralisation des villes s'écrive comme une éclipse à l'échelle de l'histoire humaine, c'est aussi un nouveau modèle de cité qu'il faut faire advenir. Et pour parler de l'itinéraire de culture et des champignons, je vous invite à discuter avec mon collègue Nicolas Garnier. Bonjour. Bonjour. Nicolas Garnier, vous êtes l'agronome du projet de la caverne à Paris. Tout à fait, depuis 4 ans. On est dans un endroit qui est naturellement frais et humide, donc ça pousse tout seul. Alors il y a tout un tas d'appareils de régulation. Ça c'est pour optimiser le rendement, pour optimiser l'espace, mais ça fonctionnerait aussi bien en mode low-tech en réalité. Et quels sont les légumes que vous pouvez cultiver en sous-sol ? Alors il n'y en a pas beaucoup en bio, parce qu'on peut cultiver beaucoup de choses en sous-sol à partir du moment où on est en conventionnel, à partir du moment où on fait des plantes hors sol, avec l'éclairage photosynthétique, voilà, on peut à peu près faire tout ce qui est des plantes à croissance rapide. Par contre, si on veut faire quelque chose en indoor et en bio, là il n'y a plus beaucoup de choix. Donc il va y avoir toutes les sortes de champignons, on va pouvoir aussi faire des endives. Qu'est-ce qu'on voit là ? Comment ça se présente ? Alors là, on voit un tapis de champignons. Ça ressemble un petit peu à des petits œufs de poule. Ils sont de couleur brune. On fait du champignon brun, on ne fait pas du champignon blanc. L'image du brun est souvent associée au bio, donc on a voulu garder un petit peu ce côté commercial. Vous dites, ça ressemble, ils sont comme des petits œufs de poule. Ils sont très serrés, non ? Ouais, ils sont très serrés. Donc là, le travail des cueilleurs va être de prendre les plus gros pour laisser la place aux plus petits. Pour qu'ils puissent grandir, pour que demain ils puissent arriver à terme et qu'on obtienne un calibre assez homogène. Alors là, c'est une salle qui a été plantée il y a 3 semaines. Donc on est sur la fin de la première volée. Et dans 3 semaines, à nouveau, on procédera à l'évacuation de la salle. Suite à ça, on passe au nettoyage, lavage, désinfection. Et 2 jours après, on la re-remplit à nouveau de 8 tonnes de compost. Et quels sont les volumes de champignons que vous récoltez ? Alors là, si on se débrouille bien, avec les salles qu'on a, on arrive à sortir entre 900 kilos et 1 tonne de champignons par semaine. Est-ce qu'on peut les toucher, les champignons ? Alors, vous pouvez les toucher, ouais. Ouais. Vous pouvez aussi goûter directement. Hein. Je pense que celui-là, ouais, celui-là est très propre. Si vous retirez simplement le chapeau du pied, merci. Si vous voulez le goûter. Bon, je me lance, je goûte. C'est hyper croquant et moelleux à la fois. Ouais. Un goût super frais, on sent aussi le goût de terre, mais une fraîcheur qui se dégage. Ouais, on est dans la forêt là. On est dans la forêt, mais une forêt à plusieurs mètres sous terre, dans le béton. Quelle relation trouve-t-on entre ville et culture dans le passé d'une ville comme Paris ? Flaminia Padéou est maîtresse de conférences en géographie à Sorbonne Paris Nord et spécialiste des agricultures urbaines. Oui, l'agriculture urbaine, ça désigne toutes les pratiques de culture agricole du sol en ville. Ça peut inclure en fait des formes qui sont assez diverses, depuis le maraîchage jusqu'à l'élevage, même si c'est vrai qu'on trouve peu de grandes cultures et l'élevage, ça reste quand même quelque chose d'assez anecdotique. Donc le maraîchage, ça reste l'une des formes les plus dominantes. Et on trouve des formes très différentes qui vont depuis des formes de jardinage collectif, comme par exemple les jardins ouvriers ou encore les jardins partagés, jusqu'à des formes plus productives de fermes urbaines. il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. C'était une forme en fait qui était beaucoup plus présente qu'aujourd'hui dans les villes des pays des Nord. Donc si on prend un cas comme Paris, on se rend compte qu'en fait, il y avait une ceinture maraîchère qui était extrêmement importante et puis qu'il y avait aussi beaucoup d'agriculteurs urbains vraiment dans la ville, enserrés dans le tissu urbain. On estime qu'il y avait environ 9000 personnes qui travaillaient directement dans l'agriculture urbaine au milieu du 19e siècle, ce qui représentait en fait entre 1500 et 2000 parcelles. Donc c'était une activité qui était vraiment très présente en ville, dans les paysages, qui était vraiment visuellement là, mais c'était une activité qui était aussi productive d'un point de vue économique, puisque c'était des produits maraîchers, donc qui sont assez fragiles, qui se vendent avec un bon bénéfice directement aux consommateurs urbains. Donc il y avait tout cet écosystème qui faisait qu'il n'y avait pas autant de spécialisation spatiale entre des campagnes qui seraient productives et des villes qui seraient des foyers de consommation. Donc faut imaginer qu'on avait une grande diversité de cultures, aussi parce que le climat en fait francilien le permet, et aussi parce qu'il y avait certaines techniques particulières. Par exemple, au 19e siècle, l'usage de la cloche en verre, en fait c'était des cloches qui avaient une sorte de verre un peu bleui, qu'on mettait sur des cultures, par exemple sur des choux, pour les protéger en fait de l'ardeur du soleil, mais aussi pour garder une sorte de température plus homogène. C'était comme des sortes de mini-serres renouvelables. Et on en voit sur certaines gravures de l'époque, on voit en fait au pied de la tour Eiffel des rangées de choux qui sont cultivées avec ces cloches-là. Donc vraiment, là on est dans le 15e arrondissement, donc dans des espaces qui aujourd'hui sont hyper centraux. Alors on cultivait des choux, des radis, des pommes de terre, des petits pois, des salades vertes. Ça fait partie des légumes qu'on trouvait de manière courante au 19e siècle à Paris. Le jardinage exerce tous les membres du corps de l'homme. Il met en œuvre toutes les facultés de son esprit. Il l'oblige à lever la tête vers un infini qui nous dépasse. Dieu, que le poireau est beau cette année. Oui, mais diable, que l'arrosoir est lourd. Les liens en fait entre ville et campagne étaient beaucoup plus forts aussi parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup d'ouvriers étaient d'anciens paysans. Ce qui fait qu'en migrant à l'intérieur du pays, les gens venaient aussi avec leur savoir et leur savoir-faire agricole et paysan. Ce qui explique aussi l'essor des jardins ouvriers, où là pour le coup on n'est pas dans un maraîchage considéré comme une activité économique professionnelle, mais plutôt comme un à côté pour des ménages ouvriers qui en fait avaient un lopin de terre qu'ils pouvaient cultiver. C'était une manière de complémenter en fait leur régime alimentaire. Donc c'est quelque chose qui a été créé par une sage-femme qui vivait dans les Ardennes qui s'appelle Félicie Hervieux. Et c'est une idée ensuite qui a plutôt été réappropriée par les milieux ecclésiastiques influencés par la démocratie chrétienne dans une démarche de charité. Et dans une démarche aussi très paternaliste, puisque du coup, en s'associant à des grands patrons ouvriers, ils se sont dit que c'était finalement une bonne activité pour les ouvriers, parce que c'est beaucoup mieux d'aller jardiner que d'aller boire au cabaret et parler politique. Donc en fait, il y avait toute une forme de contrôle social par le jardinage ouvrier, qui était en fait une manière d'orienter les ouvriers vers certaines activités considérées comme plus saines, considérées aussi comme moins politiques. Ça, on le voit clairement quand on regarde les archives, quand on regarde un peu les affiches de l'époque qui font la publicité des jardins ouvriers. C'est « ouvrier, ne va pas au cabaret, viens plutôt jardiner ». Archives INA, 1930. Un éminent sociologue déclare « En s'occupant de son jardin, l'ouvrier prépare un avenir de paix et de concorde et devient un citoyen propre et rangé, travaillant à l'apaisement des passions des masses et à la tranquillité et à la grandeur de la patrie. » Ce qu'on peut dire, c'est que entre la fin du 19e et le début du 20e, c'est le début du déclin du maraîchage urbain à Paris, en même temps qu'il y a un essor des jardins ouvriers. Donc en fait, il y a une forme qui remplace une autre, mais qui passe quand même par une déperdition en termes d'espace occupé par l'agriculture en ville. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête, hein, de la question de combien d'espace ça prend. Dans de nombreuses villes, comme en banlieue parisienne, se multiplient des petits espaces de culture repris sur le tissu urbain hyper dense. Waouh ! On est arrivé au jardin Casse-Dalle. Il s'appelle Casse-Dalle parce que littéralement, on a été casser la dalle pour récupérer de la pleine terre. Yuna Conan, à l'origine de la cité maraîchère et du jardin Casse-Dalle de Romainville. On est dans une friche urbaine qu'on a décidé de transformer l'année dernière en jardin nourricier. L'idée, c'était de créer un jardin productif, mais aussi récréatif. Donc, dans les bacs, on produit des légumes qui sont ensuite vendus au marché de la cité maraîchère. On a des radis par là. On a les premières jonquilles aussi, là, qui sortent. On a des belles salades, on a des fèves. Ça sent super bon. Et ces bacs sont remplis d'une terre noire. C'est un substrat, c'est un mélange de lombricompost, de champost, donc les déchets de champignonnières, et de béton cellulaire. Donc on est sur de l'économie circulaire, d'autant plus que le lombricompost, il provient d'une structure en insertion de Seine-Saint-Denis qui récupère les déchets alimentaires des cantines, notamment. Et pourquoi est-ce que vous avez cassé cette dalle de béton pour après, finalement, utiliser des bacs pour les cultures ? Parce que le sol était trop pollué pour pouvoir cultiver dans ces espaces-là. Donc en Seine-Saint-Denis, on a fait les tests. On a pu quand même, sur les espaces du fond, là que vous voyez, on a un petit bosquet de fruitiers. Et là, on a fait des tests et on peut faire des fruitiers. En revanche, sur la production maraîchère, on devait être sur des bacs avec un substrat non pollué. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, on voit des fans. C'est des carottes, des petites carottes. Il y a des blettes. Là, il va y avoir des fraisiers. Il y aura beaucoup d'aromates. Menthe, basilic. Are you ready? These are the people I think of when I think of New York. D'un côté à l'autre de l'Atlantique, l'industrialisation et l'étalement urbain ont repoussé les cultures hors des villes. Problème typique de l'agriculture en lien avec la ville, la concurrence entre deux usages des sols et une rivalité difficile à mener entre construction immobilière et culture de légumes. Seule la décision politique et la mobilisation citoyenne peuvent mettre un frein à l'artificialisation des sols. Flaminia Padeu. Il faut comprendre que les jardins partagés, ils sont nés à New York dans les années 70, à une époque où New York était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, qui était notamment dans le centre-ville, un espace très populaire où il y avait énormément de vacances foncières et où les habitants se sont auto-organisés pour se réapproprier ces espaces-là. Avec des pratiques de désobéissance civile douce, souvent en balançant des bombes à graines par-delà les palissades pour en fait fleurir ces espaces et ensuite en enjambant les palissades et en commençant à les cultiver. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le guérilla gardening. C'est quelque chose qui a commencé au centre de New York, surtout mené par des populations artistes, bohèmes, marginales, et qui a commencé aussi en parallèle dans les arrondissements autour de Manhattan, comme dans le Bronx, comme à Brooklyn, comme à Queens, où là, on avait beaucoup de populations d'origine étrangère, afro-américaines, portoricaines, qui ont créé toutes sortes de jardins qu'on appelle les community gardens, mais qu'on peut traduire par jardins de quartier. C'était vraiment des jardins qui permettaient aux gens d'aller passer du temps, de discuter, de jardiner, de faire des barbecues, d'organiser des événements. Donc, c'est une forme qui est pas uniquement productive, mais qui est vraiment un espace de vie sociale, de discussion, d'entraide, de solidarité, pour des gens souvent qui n'avaient pas de jardin, pas d'espace extérieur et qui habitaient loin d'espaces verts ou des familles qui partaient pas forcément en vacances et pour qui ces espaces étaient vraiment des espaces de respiration extrêmement importants. Et en fait, dans les années 90, il y a des gens de la Fondation de France qui sont allés en visite à New York parce qu'ils avaient entendu parler de ces fameux jardins. Et ils y sont allés, ils se sont dit « mais c'est incroyable, c'est hyper intéressant, il faut qu'on fasse ça en France ». Donc ils ont quelque part ramené ce modèle outre-Atlantique en France, et le premier jardin partagé a ouvert à Lille en 1997. Et ensuite, ça a fleuri un peu partout en France. Et on peut vraiment rattacher ça à une dynamique de droit à la ville, pour reprendre les termes du sociologue et philosophe Henri Lefebvre, où c'est des habitants qui agissent directement sur la fabrique urbaine à travers ces jardins partagés. Cette déperdition des espaces cultivés a créé des déficits en production locale fraîche, dont on repère mieux les dommages aujourd'hui avec la conscience des coûts environnementaux d'une agriculture repoussée loin des foyers de consommation urbains. Mais les jardins en ville, ce sont aussi des enjeux de convivialité et de vivre ensemble dans des villes aux existences atomisées. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien, c'était un petit jardin. Myriam Vasnet nous emmène découvrir le jardin partagé du collectif Les Aguettes à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Un pommier et un sapin. Alors donc voilà, nous sommes au 5 passage Aguettes. Vous êtes devant le jardin partagé. Il faudra dire, on a même droit au petit chat d'ailleurs qui se promène aussi. Donc on a du compost. On a des pergolas, on a une serre, on apprend aux enfants à faire les semis, à préparer avant de planter dans les bacs. On fait de la culture hors sol exclusivement, parce que comme le jardin avant était un garage, les sols sont contaminés, donc c'est que dans des bacs. On cultive des tomates, des framboises, des carottes, des pommes de terre, des blettes, des fèves, des petits pois. Ils ont du goût. C'est important le goût aussi, même pour les enfants. Et puis des fraises aussi. Différentes variétés de tomates, des tomates cerises, des tomates noires de Crimée, voilà, et des fleurs aussi, parce que pour que la biodiversité s'invite un peu au jardin. Du coup, votre jardin partagé, il est vraiment à une rue du marché de Saint-Denis ? Il est dans le centre-ville, oui. Ouais, il est vraiment dans le centre-ville. C'est notre bulle d'air et d'oxygène à tous dans cette ville très très bitumée, hein. Trop bitumée d'ailleurs. Et on essaye de le préserver des promoteurs immobiliers. De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. Puis ça permet de créer des rencontres, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens qu'on rencontrerait peut-être pas dans notre vie habituelle. Et donc ça permet d'échanger. On peut aussi apporter notre aide aux gens qui en ont besoin, par des conseils, du soutien. Voilà, c'est aussi ça le rôle du jardin. Et puis, c'est vraiment intergénérationnel et pluriculturel. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. Une fois que vos récoltes sont faites, qu'est-ce que vous faites des produits du jardin partagé ? On partage avec tout le monde les produits de nos récoltes. Et on ne vend pas pour l'instant. Mais on se dit que peut-être, dans une approche un peu plus réfléchie, on pourrait peut-être faire des petits paniers à 1,50€, 2€, variés, mais que les gens s'habituent aussi à participer un petit peu. Voilà, même si on est bénévole, c'est quand même... Quand en été, vous venez arroser toute la semaine parce qu'il fait un cagnard de fou et qu'il faut arroser parce que sinon, vous n'aurez pas de récolte ou elles seront brûlées, voilà. Et bien, c'est du travail. Quand il faut remplir les bacs de terre avec les billes d'argile, etc., planter les semis, c'est du travail. Et puis après, le jardin vit. On essaye de faire venir un maximum de gens et puis voilà, créer des événements en fait pour justement que le jardin puisse s'ouvrir encore plus. Get ready. Yeah. Y'all ready for some live shit? Welcome. Welcome to the D, baby. On pourrait croire l'agriculture urbaine peu significative en termes de quantité produite. mais selon l'histoire des villes, elle est aussi un acte très politique dont les fruits peuvent se révéler décisifs d'un point de vue alimentaire. La ville de Détroit, aux États-Unis, est un cas d'école pour l'agriculture urbaine. Détroit, c'est une ville qui a été lourdement industrialisée depuis l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 50-60. Et notamment, c'est devenu le fer de lance de l'industrie automobile aux États-Unis. Flaminia Padeu. Et donc, on trouvait des industries comme Ford, comme Chrysler, comme General Motors. Et en fait, cette industrie, elle a périclité localement dans les années 50 et 60. Ça devenait de plus en plus cher de construire des voitures à Détroit parce que le coût de la main-d'œuvre était élevé, parce qu'il y avait eu beaucoup de batailles syndicales dans un milieu ouvrier très important à Détroit qui avait été gagné. Ce qui fait qu'à une époque, les ouvriers voulaient venir à Détroit travailler dans l'industrie automobile parce qu'ils pouvaient gagner un salaire tout à fait décent tout en construisant des voitures. Et en fait, dans les années 50-60, l'industrie automobile s'est rendue compte qu'en fait, ça coûtait beaucoup moins cher de produire des voitures en s'installant dans le sud des États-Unis. Et petit à petit, il y a une forme de délocalisation qui a été massive à Détroit et qui a laissé en fait une ville pleine de friches. Et ça a créé des problèmes très importants pour les habitants de la ville, puisque du coup, au fur et à mesure que l'économie de la ville s'est effondrée, les classes moyennes et supérieures blanches ont aussi quitté la ville. Et du coup, la ville s'est retrouvée très paupérisée, avec une forte population afro-américaine, un taux de chômage très élevé. Et il y a beaucoup de commerces qui sont partis, et notamment les supermarchés. C'est ce qu'on appelle un désert alimentaire, c'est-à-dire un espace qui est habité par des populations qui vivent majoritairement sous le seuil de pauvreté et qui sont à plus d'1,6 km, donc un mile, du premier supermarché. Et donc, les habitants de Détroit s'alimentaient en faisant leurs courses dans des petites épiceries de fortune, voire dans des stations essence. Leur accès à la nourriture passait par une nourriture souvent très transformée, de la junk food, et a causé de très très importants problèmes d'obésité. À Détroit, à la fin du XXe siècle, il y avait environ 70% de la population qui était considérée comme obèse. Et ça pose des problèmes de santé en termes de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires importantes. Donc il y a eu vraiment une préoccupation énorme autour de la question alimentaire pour des personnes précaires et racisées. Et donc très tôt, il y a eu des associations et des collectifs qui ont pensé ensemble la question de l'alimentation, de la classe et de la race. Cette idée de comment avoir accès à une bonne alimentation pour toutes et toutes. Donc en fait, croiser des questions de justice sociale et raciale avec des questions d'accès à l'alimentation. Et c'est comme ça que sont nés beaucoup de fermes urbaines et de jardins collectifs à Détroit pour essayer d'améliorer l'accessibilité à des aliments de qualité à des populations en difficulté. Et donc, les friches à Détroit qui sont cultivées, c'est souvent des friches résidentielles, c'est-à-dire des jardins de maisons qui ont été abandonnés. Donc en fait, ça s'est fait sur le mode du squat, ou en tout cas de l'occupation illégale, c'est-à-dire que la plupart des fermes urbaines à Détroit n'avaient pas forcément l'autorisation de s'y installer. Mais en fait, c'était vraiment loin d'être la première préoccupation des autorités ou de la police, parce qu'ils avaient vraiment d'autres chats à fouetter. Que Détroit, comme la Nouvelle-Orléans, a longtemps été l'une des villes où il y avait les taux de criminalité les plus élevés, et à la fois des autorités en sous-service. Donc en fait, quelque part, cette espèce de vacances foncières, c'était aussi une vacance politique. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un vide au niveau du gouvernement urbain, et ça a permis à toutes ces initiatives de fleurir. Dans les années 2010, on estimait qu'il y avait environ 1600 fermes et jardins à Détroit, donc c'est quand même assez important, sur une ville qui, là, avait environ 700 000 habitants. Et puis cette vacance des autorités, ça veut dire que c'était aussi... Il y avait personne qui s'occupait de savoir comment manger ces personnes-là. En fait, ce qui existait, c'est les aides de l'État fédéral, c'est-à-dire des bons alimentaires. Ça empêche de mourir de faim, mais ça n'empêche pas tous les problèmes de santé qui sont liés au fait d'avoir une mauvaise alimentation. En fait, le problème souvent de la charité alimentaire qui passe par les banques alimentaires, les tickets, etc., c'est qu'on reste dépendant de la grande distribution alimentaire. Mais en fait, structurellement, ça ne change pas le système alimentaire et ça ne permet pas une émancipation des personnes qui en bénéficient. On reste dans un rapport assez classique de charité, alors que dans les fermes urbaines, l'idée, c'est qu'il y ait une auto-organisation et une émancipation autour de l'alimentation et l'agriculture urbaine par et pour les populations qui en ont besoin. Donc en fait, dans une ville où 90% de la population est afro-américaine, il y a eu toute une réflexion sur le choix des espèces qu'on cultive dans ces fermes-là. Par exemple, le kalalou ou les collard greens, qui sont en fait des légumes qui sont très présents dans la culture afro-américaine ou la culture caribéenne, ou les okras par exemple, les black eyed peas, ce genre de choses qu'on va retrouver dans ces jardins, alors qu'ils vont être absents des supermarchés, de la grande distribution alimentaire. Donc, il y a toute une réflexion aussi sur la dimension culturelle de notre rapport à l'alimentation et à l'agriculture dans un pays très marqué par l'esclavage et où finalement on ne peut pas décorréler la question agricole de la question des rapports de pouvoir et de domination entre les races qui en fait est au cœur de la nation états-unienne. Ready, count it down. 3, 2, 1. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de faire? Là, on récolte les radis, on fait des bottes pour le marché de ce soir. Tous les mercredis, on tient un marché pour les Romainvillois, et notamment ceux qui ont des revenus bas peuvent bénéficier, en s'inscrivant à la mairie, de prix avantageux basés sur le quotient familial. Ça va de moins 25, moins 50, jusqu'à moins 75%. Et là, vous mettez combien de radis par botte? Je fais à l'œil, ça dépend de leur taille. 25, 30 radis. Je m'appelle Étienne, je suis maraîcher, responsable d'exploitation à la cité maraîchère de Romainville. J'ai une équipe de 5 agents qui sont embauchés en parcours d'insertion ici. Et donc notre boulot, c'est voilà, on fait pousser les légumes, on récolte, on conditionne, on vend, on entretient le site. Ainsi, les agricultures urbaines nous éveillent à un renouvellement des enjeux politiques de l'alimentation pour les citadins. Certaines municipalités tentent de réintégrer des sources d'approvisionnement alimentaire au cœur de la ville. Exemple à la cité maraîchère de Romainville, près de Paris, avec l'agronome Christine Aubry, spécialiste de la recherche sur les agricultures urbaines et leurs potentialités. Au départ, il s'agissait d'une serre dans un quartier en rénovation, le quartier Marcel Cachin. Le premier objectif, c'était de fournir de l'alimentation en quantité au quartier. Puis quand on a commencé une étude, on a montré à la maire de Romainville que si on voulait faire ça, il fallait passer par des systèmes très technologiques. Donc faire de l'hydroponie, des choses dont elle ne voulait pas, parce qu'elle considérait que c'était trop cher et que ça n'était pas naturel. Il y a eu un changement d'orientation et cette serre est devenue plutôt une infrastructure d'éducation à l'alimentation, à l'environnement, au sol, au comportement du sol, etc. Et là, vous pouvez nous décrire un peu l'environnement? Alors effectivement, on est dans un quartier en rénovation urbaine. Donc on voit beaucoup de constructions autour de nous, hein, des immeubles qui sont pas encore finis. Et c'est effectivement un quartier qui a été complètement refait. Et c'est au moment de la réfection de ce quartier que cette serre a été imaginée et construite. La difficulté en agriculture urbaine, c'est de trouver de l'espace disponible. Et ici, comment est-ce qu'on a répondu à cette difficulté? Alors, c'est vrai qu'au départ, l'idée, c'était justement de monter, hein, d'être sur plusieurs étages. C'est vrai que ça permet de gagner de l'espace, mais ça amène aussi d'autres contraintes. Et on peut le voir quand on se promène dans cette serre. Il y a des étages qui sont bien éclairés comme celui-ci. On est au dernier étage de l'un des modules, puisqu'il y a deux modules, il y en a un qui monte un peu plus haut. Mais quand on est dans les étages en dessous, on a beaucoup moins de lumière. Et du coup, sur la production, c'est beaucoup moins intéressant. Parce qu'ici, on est en lumière naturelle. C'est le soleil qui vient apporter la lumière. Voilà, on est en lumière naturelle. On est sur du pseudo-sol, qui est fait avec essentiellement des composts organiques. Par exemple, il y a des champignons à l'étage en dessous. On récupère le résidu de cette champignonnière et ça sert de substrat. Donc, il y a une forme d'économie circulaire ici qui est intéressante. Les radis, ça met combien de temps à pousser ? Les radis des 4 saisons ou les radis du 18 jours, voilà, c'est sont rapides. Et donc c'est pratique parce que voilà, en culture intercalaire, quand on a un petit trou dans le planning, on peut envoyer du radis. À la cité maraîchère, dans les deux bâtiments, on a 550 bacs de culture. Un bac de culture fait un tout petit peu moins d'un mètre carré, donc on est à peu près à 550 mètres carrés. Ici, c'est les plantes à fruits qui marchent bien l'été. Notamment sur les étages les plus lumineux. Donc ça va être les solanacées, c'est les tomates, piments, poivrons, aubergines, et sinon les cucurbitacées, courgettes, courges. Voilà. Donc ça marche bien, même en région parisienne. Ah bien sûr, oui. Ah oui, ça marche dans toute la France. Christine Aubry, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'agriculture urbaine ? Beaucoup de choses. Et quand même, il ne faut pas en attendre trop. Ça peut procurer une partie de l'alimentation, notamment en produits frais, en légumes, en petits fruits, en aromatiques, tout ça, ça c'est clair. Et aussi certains produits animaux. On voit bien sûr du miel, on voit des poules et des œufs. On voit, voilà, alors c'est pas généralement pas des grosses bêtes, mais on peut donc avoir une petite production de type alimentaire. Mais on a aussi beaucoup d'autres choses. Et dans les autres choses qu'on a, il y a beaucoup de liens sociaux, il y a beaucoup d'éducation, de reconnexion des urbains à ce que c'est qu'un cycle végétal, à ce que c'est que de faire de la production de légumes. On ne fait pas la même chose en toutes les saisons. Tout ça, c'est des choses que les urbains ont totalement oubliées. On est souvent aujourd'hui en France à 4 ou 5 générations du premier agriculteur dans notre famille, quand on est en pleine zone urbaine. Et du coup, voilà, on a oublié complètement ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment un rôle très important parce que c'est un rôle qui permet après de repenser à l'agriculture en général. Et ensuite, il y a des rôles de type environnemental. Par exemple, la rétention de l'eau. Très clairement, aujourd'hui, avec le changement climatique, on sait qu'il va y avoir peut-être pas une grosse différence en termes de quantité de pluie sur l'année, mais des répartitions différentes. Et notamment, de forts risques de pluie torrentielle en été, au printemps, en automne, en hiver, etc. Et donc, il faut pouvoir absorber cette eau. Et l'agriculture, lorsqu'elle est autour des villes, et même lorsqu'elle est dans les villes, sur les toits ou dans le sol, elle permet de jouer ce rôle-là. Et en fait, c'est un rôle dont on se rend compte aujourd'hui qu'il va être de plus en plus important dans les années qui viennent. Là, je vais faire une botte avec les tout petits pour Cécile, qui cuisine avec les fans, là, ce soir. Elle sera contente. Ouais. Vous, Étienne, qu'est-ce que vous avez le plus appris de la cité maraîchère de Romainville, donc de ce type d'agriculture sous serre, en immeuble, à étage? Ici, on est plus proche de l'horticulture parce qu'on est hors sol. On travaille dans des bacs avec un technosol, donc voilà, c'est pas la roche-mère. Et on est privé de la biodiversité, en fait, qui est, à mes yeux, un atout quand on cultive. On travaille avec son environnement. Donc il y a des petites galères, il y a le chaos de la nature, mais finalement, la nature, elle nous aide énormément. Ici, je le savais déjà, mais là, je l'expérimente, parce que voilà, on a nos cultures, mais rien autour. On est entouré de béton, on est fermé dans un bâtiment de verre, et on doit amener nous-mêmes les pollinisateurs, par exemple. On achète des ruches de bourdon qui se chargent de polliniser pour nous, sinon les plantes à fruits ne donnent pas de fruits. Au niveau des parasites aussi, les auxiliaires de culture, enfin voilà, il y a vu qu'il n'y a aucune pression de la nature, ben en fait les pucerons, ils sont vraiment bien là et du coup personne pour nous aider à nous en débarrasser. Parce que donc, si vous étiez en plein air, il y aurait qui ? Quand on est en maraîchage dans la campagne, donc imaginons voilà, qu'il y ait des petits bois par-ci, un petit cours d'eau par-là, des bandes enherbées, de la haie, ça veut dire qu'en fait l'agriculteur il a toute une faune à sa disposition qui s'autorégule en fait, donc c'est assez rare. On a toujours des attaques de parasites, mais jamais de façon à mettre en péril toute l'exploitation. Parce que voilà, ça, les pucerons, ils arrivent, puis finalement, les aphidus ou les chrysopes, les coccinelles vont venir, et puis voilà, il y a une autorégulation, ça se contrôle. Du coup, il y a une veille des choses que j'ai jamais été amené à faire avant. Enfin, là, voilà, je suis très vigilant sur les parasites. Ici, vous êtes un écosystème beaucoup plus limité. Voilà, ici, on est seul avec nos cultures, et c'est difficile. On va voir leur filet. Christine Aubry, à l'école AgroParisTech à Paris, vous avez mené des expérimentations de potager sur les toits de l'école. Quels étaient vos axes de recherche? Qu'est-ce que vous vouliez observer? Alors, on voulait observer plusieurs choses. Première chose, on voulait voir si c'était possible de produire et combien, en utilisant uniquement des déchets organiques de la ville. Donc là, on a pu montrer effectivement qu'on pouvait arriver à faire de la production quantitativement très importante. La deuxième chose qu'on a cherché à voir, c'est est-ce que les légumes produits dans la ville risquaient d'être pollués par l'environnement urbain? Alors là, sur le toit d'AgroParisTech, quand on était dans le 5e arrondissement de Paris, pendant les 10 ans où a duré l'expérience, de 2012 à 2022, on a eu une fois un dépassement de valeur en métaux lourds dans du persil. Par contre, si on se situait beaucoup plus près d'une zone d'émission forte de polluants comme le bord du périphérique, alors là, il faut être vraiment très prudent, parce qu'on risque d'avoir effectivement des émissions et des dépôts sur les cultures importants. Et à Paris, mais dans toutes les villes d'Europe, on parle beaucoup des particules fines, beaucoup plus qu'avant, et du danger qu'elles représentent. Sur les légumes, est-ce qu'elles se déposent, ces particules fines? Alors, il semblerait, dans ce qu'on a pu nous montrer, qu'il y ait peu de dépôts, en particulier sur l'agriculture des toits. Par contre, les particules fines restent très très embêtantes par rapport aux risques liés à l'inhalation, donc à la respiration des gens. C'est probablement plus ça qui est à prendre en compte que des dépôts sur des légumes. Ce qui est plus embêtant dans les légumes, c'est effectivement les métaux lourds. Et ces métaux lourds, ils auraient quelle incidence s'ils étaient ingérés régulièrement? Ah ben, c'est des risques de saturnisme, c'est des risques... Voilà, alors le cadmium est très cancérigène, donc ça on le sait. Donc effectivement, il faut faire quand même attention. Ouais. On va voir à combien de bottes on est là. Les radis que vous avez récoltés, Étienne, ils ont bon goût? Ouais, carrément. Ouais. Ouais, ils sont super bons. Ils sont pas du tout piquants, ils sont sucrés, c'est des petits bonbons de la terre. Ils sont croquants? Ouais, bah, vous allez goûter? Ah bah je veux bien, ouais. Donc c'est un petit radis, une petite boule rouge, toute ronde. Bon bah je me lance, hein. Un radis de Romainville. C'est ça. Ça va? Délicieux. Yes. Savoureux, juteux, tout doux. Un arrière-goût poivré qui est intense, okay. mais pas trop fort. Ok. Bon, si on fait attention à ce qu'il soit pas trop piquant. Ouais. C'est pas mauvais, mais qu'ils sont soit trop vieux, soit qu'il a fait trop chaud, ou s'ils sont attaqués par des insectes piqueurs, ou s'ils se défendent en devenant plus piquants. Plus piquants que les piqueurs. Ouais. Ouais. Aussi, au 19e siècle, il commençait à s'établir un conflit entre deux types de nature urbaine. Flaminia Padéou, géographe. Une nature productive et agricole et une nature plus esthétique, de loisirs. Puisqu'on a une époque où l'hygiénisme est un courant de pensée important qui participe à la fabrique urbaine et où l'idée de construire des squares et des parcs devient important et l'espace nécessaire pour créer ces espaces verts est souvent pris sur les espaces agricoles qui sont donc repoussés à l'extérieur de la ville. Et à cela s'ajoute une dynamique d'industrialisation, donc voilà, qui est très forte et qui va repousser les activités agricoles donc encore plus loin de la ville. Et puis en parallèle, il ne faut pas oublier aussi que au milieu du 19e siècle, c'est le début d'un processus de spécialisation et de modernisation des espaces agricoles. Et notamment, il y a toute une recherche sur les engrais puisque à l'époque, en tout cas en Europe, il y a une sorte de crise de fertilité des sols qui ont déjà été beaucoup cultivés et donc qui ne produisent plus assez. Il y a toute une réflexion autour de ça et c'est un moment d'essor de la chimie. Et donc c'est le début d'une chimisation de l'agriculture avec des engrais qui commencent à être utilisés. Et du coup, on commence à passer dans une autre manière de faire et finalement une agriculture de proximité plus petite avec des techniques qui sont hors de la chimisation vont déjà commencer à apparaître comme moins productives. Alors, faut pas non plus trop anticiper sur une lecture en fait qui serait un peu anachronique et écologique par rapport aux enjeux du 20e siècle, mais les contemporains de l'époque en sont conscients. Et notamment des figures d'intellectuels éminents comme Karl Marx, par exemple, qui en fait, dès la seconde moitié du 19e siècle, évoque ce qu'il appelle la rupture métabolique. Et pour lui, la rupture métabolique, c'est la rupture des flux de matière entre les espaces urbains et les campagnes. Il remarque que déjà, en fait, il y a un appauvrissement de ces échanges agricoles, notamment, mais et aussi de matière, de déchets. C'est quelque chose qu'on voit dans un roman de Zola. Émile Zola. Le ventre de Paris. 1873. Ce matin-là, avant le jour, Madame François avait déjà vendu ses légumes. Ils allèrent tous trois chercher la voiture rue Montorgueil, au 423 Compadore. Ce fut comme un avant-goût de la campagne, en plein Paris. Derrière le restaurant Philippe, dont les boiseries dorées montent jusqu'au premier étage, se trouve une cour de ferme, noire et vivante, grasse de l'odeur de la paille fraîche et du crottin chaud. Des bandes de poules fouillent du bec la terre molle, des constructions en bois verdi, des escaliers, des galeries, des toitures crevées s'adossent aux vieilles maisons voisines. Et au fond, sous un hangar à grosses charpentes, le cheval Balthazar attendait, tout attelé, mangeant son avoine dans un sac attaché au licou. Il descendit la rue Montorgueil au petit trot, l'air satisfait de retourner si vite à Nanterre. Mais il ne repartait pas à vide. La maraîchère avait un marché passé avec la compagnie chargée du nettoyage des halles. Elle emportait deux fois par semaine une charretée de feuilles prise à la fourche dans l'état d'ordure qui encombre le carreau. C'était un excellent fumier. Et ce fumier-là, à l'époque, c'était beaucoup du fumier de cheval, puisque les gens se déplaçaient avec la traction hippomobile. Et donc, il y avait cette espèce de symbiose en termes de flux de matière qui était très importante au 19e entre la ville, ses déchets et les espaces maraîchers. Et c'est cette rupture que pointe Karl Marx quand il parle de rupture métabolique pour montrer en fait que c'est ce système de symbiose qui est petit à petit en train de s'étioler, dont on voyait déjà un peu les prémices dans la seconde moitié du 19e. Quand on est passé des déchets organiques aux intrants chimiques, Christine Aubry. On a en fait changé un petit peu aussi de paradigme. C'est-à-dire qu'avant, on nourrissait la terre, et à travers la terre et la décomposition de ces matières organiques dans la terre, la plante pouvait exporter ce qu'elle avait besoin, et il y avait quand même un enrichissement en matière organique de la terre, qui pouvait, sur le long terme, avoir un certain nombre d'effets. Quand on est passé aux engrais chimiques, on ne s'est plus du tout intéressé au sol. On s'est intéressé à nourrir directement la plante, et donc finalement à considérer le sol comme, pas tout à fait totalement, mais quasiment un support inerte. Et donc, on amenait les éléments chimiques, azote, phosphore, potasse, etc., un peu comme si le sol était là pour être un ancrage de la plante, surtout pour les grandes cultures, et puis finalement d'avoir très peu d'influence sur l'alimentation de la terre. Alors, c'est vrai que quand on passe au système de, même en agriculture biologique, hein, quand on passe à un système d'engrais organique, on revient à un fonctionnement du sol qui est un intermédiaire entre l'apport et la plante. Christine Catherine Aubry, vous qui avez travaillé sur cette jonction entre ville et agriculture, quels sont selon vous les enjeux de l'approvisionnement des villes en alimentation pour les années à venir, les décennies à venir ? Alors je crois que déjà, il faut vraiment qu'on arrive à être beaucoup plus autonome en fruits et légumes en France que ce qu'on est aujourd'hui. Et là, on est tout à fait capable de le faire, hein, très clairement. Il y a des cultures sur lesquelles on est déjà très autonome. Par exemple, les salades en Ile-de-France, on est quasiment autosuffisant. Alors, on n'a pas forcément une organisation du commerce qui permet de le montrer, hein, que on va manger des salades qui viennent surtout de l'Ile-de-France, mais dans les faits, c'est ça. Mais on peut, notamment avec les ceintures vertes, donc avec la réinstallation de maraîchers et ou la diversification des exploitations de grandes cultures, aller vers plus autour des villes de production maraîchère et fruitière aussi d'ailleurs, hein, importante, pas que des petits fruits, mais aussi des vergers. Et ça, ça demande en fait un aménagement agricole et un aménagement de l'espace qui soit raisonné par rapport à cet objectif d'approvisionnement alimentaire. Je pense que cet enjeu-là, à mon avis, il a deux volets importants. Il a un volet foncier. C'est-à-dire qu'il faut absolument préserver ce foncier et le faire évoluer dans un sens qui aille vers l'approvisionnement alimentaire des villes. Et puis, il y a aussi un enjeu de type échange d'intrants avec la ville, dans le sens où, si on veut aller vers une agriculture durable, il faudra probablement quand même beaucoup plus aller vers des engrais organiques qu'aujourd'hui. Et des engrais organiques, on peut en faire plein à partir des déchets organiques des villes. Il va y avoir toutes les ordures ménagères dont on sait aujourd'hui qu'il va falloir quand même trouver, de par la loi, qui normalement arrive en début 2024, hein, qu'il va falloir trouver des formes de valorisation. Ben, la valorisation agricole de proximité, ça peut être moyennant des traitements de compostage ou de micro-méthanisation une voie. Là, c'est les épluchures. C'est tout ce que l'on utilise dans la vie courante. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse source de déchets organiques. Ensuite, il y a un certain nombre de déchets organiques dont on a peu conscience, mais par exemple, le marc de café. Un café parisien, ça produit environ 4 tonnes de marc par an. Je crois qu'il y a 15 000 cafés à Paris, des choses comme ça. Donc ça commence à faire des volumes tout à fait importants et qui aujourd'hui sont mal valorisés, mais qui pourraient l'être avec ou en co-compostage, par exemple, avec des ordures ménagères. Donc ça, c'est tout ce qui est déchets solides. Et par ailleurs, il y a un déchet organique de la ville qui est très intéressant, c'est l'urine humaine. Les plantes, c'est subtil, il n'y a pas que deux ou trois molécules. Mais elles ont besoin des trois grands engrais, NPK, c'est l'azote, le phosphore et le potassium. Bruno Parmentier est ingénieur des mines et économiste. Il est l'auteur de « Nourrir l'humanité, les grands problèmes de l'agriculture mondiale au XXIe siècle ». Alors, on arrive au bout des mines. Dans 20, 30 ou 40 ans, il n'y aura pratiquement plus de mines de phosphore. Et donc ça, c'est un énorme problème et on va devoir changer totalement parce que le phosphore, il se balade, il disparaît pas. Et notamment, ben on l'absorbe dans les plantes, on l'absorbe dans la viande, on l'absorbe dans ce qu'on mange et puis on l'évacue dans les urines. Réfléchissons, on est 8 milliards d'humains qui font pipi tous les jours. Dans beaucoup de pays du tiers-monde, on va faire pipi dans la campagne, donc ça va, mais enfin, dans les grandes villes. Il y a quand même, allez, on va dire 5 ou 6 milliards d'humains dont on fait une chose absolument absurde, on dilue leur pipi avec la chasse d'eau, puis avec l'eau de la lessive, puis avec l'eau de la douche. C'est une matière première extrêmement importante, extrêmement rare, et on la dilue. Et ensuite, on essaye désespérément dans les stations d'épuration de récupérer. Et donc, il va falloir changer, il faut arrêter de diluer le pipi des hommes, il faut le récupérer à la source. Et ça, c'est de l'engrais de très bonne qualité. Et donc, comme le phosphore va manquer dans 40 ou 50 ans, ça paraîtra évident de prélever le phosphore qu'on évacue pour le remettre sur les champs. Et donc, c'est une vraie dépendance de notre agriculture. On dépend de l'énergie, on dépend du gaz et on dépend des mines qui arrivent à s'épuiser. Donc ça, c'est un vrai problème à terme parce que on n'a qu'une seule terre, on arrive au bout des ressources. Maintenant, il faut gérer les ressources beaucoup mieux. Christine Aubry, est-ce qu'il existe quelques expérimentations de collecte d'urine humaine déjà en ville ? Alors, il y en existe quelques-unes, mais elles sont peu nombreuses. mais il y en a une qui est en train de se mettre en place justement sur le plateau de Saclay. Et nos collègues de l'école des ponts à Marne-la-Vallée ont fait aussi des expérimentations dans ce sens-là. Et les agriculteurs ont pu avoir une récolte depuis ? Ceux avec lesquels on a pu expérimenter en Île-de-France, oui, ils ont pu avoir une récolte. Il y a même de la baguette qui s'est faite à partir de la farine issue de ce blé. Voilà, donc là on est sur une forme en fait de lien nouveau entre l'agriculture et la ville, qui pourrait être demain très très intéressante. Ça fait partie d'une économie circulaire dont on parle beaucoup et qu'on pourrait faire plus. Donc maintenant, il faut revoir globalement les choses. On a tout artificialisé. Il va falloir renaturaliser. Il n'y a plus un seul arbre. On va de Paris à Reims sans rencontrer un seul arbre. Bon, eh ben, maintenant, il faut en remettre. Mais il ne faut pas remettre quelques milliers d'arbres. C'est par centaines de millions d'arbres qu'il faut remettre en France. Il est probable qu'il va falloir remettre de l'élevage dans le bassin parisien et plus de céréales en Bretagne. Je ne dis pas tout bio, deux fois moins de production. Je dis comprendre la nature pour passer des alliances avec elle. Par exemple, il faut arrêter de gâcher. Il faut mettre des mélanges de plantes partout, il faut cultiver des vers de terre plutôt que labourer, il faut couvrir le sol en permanence, et il faut se rendre compte qu'on connaît toutes les grosses bêtes, mais on ne connaît pas les petites bêtes. Et alors les toutes petites, pas du tout. Sous un mètre carré de champ, on estime qu'il y a 240 millions d'êtres vivants. Voilà. Le moderne, c'est de comprendre les bactéries et les champignons, les vers de terre, etc., les collemboles, enfin toute la vie du sol, et de passer des alliances avec. Et donc, on va inventer un autre monde qui va être parfaitement vivable. On peut parfaitement se nourrir à 10 ou 12 milliards. On peut nourrir des villes de 10 millions d'habitants, mais il faut vraiment se décarcasser. Et il ne faut pas le faire à l'ancienne, avec des gros tracteurs, du labour, des engrais et des pesticides. Il faut le faire à la moderne, avec des alliances avec la nature. C'est ça la survie de l'humanité. Merci à Flaminia Padéou, Christine Aubry, Yuna Conan, Étienne, Jean-Noël Gertz, Nicolas Garnier, Myriam Vasnet et Bruno Parmentier. Extrait du Ventre de Paris d'Émile Zola, lu par Thierry Beauchamp. Documentation, Véronique Le Faller. Prise de son, Raymond Albouy, Johanna Gabric, Geoffrey Marianne et Loïc Duros. Mixage, Manon Houssin. Attaché de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervan. C'était la série Ravitailler la ville, hier et demain. Quatrième épisode, Cultiver son coin de bitume. Un documentaire d'Élise Gruot et Agnès Catou. Le procès du meurtrier Patrick Henry s'ouvre le 18 janvier 1977. Ses avocats, maîtres Boquillon et Badinter, vont tout faire pour lui éviter la guillotine. Retrouvez la reconstitution exceptionnelle d'un procès qui a marqué l'histoire du droit et de la justice française. Mais ce n'est pas le procès de la peine de mort, c'est le procès de Patrick Henry. Avocat emblématique, Robert Badinter sait qu'il tient là une occasion décisive pour rendre caduque la peine de mort. Le procès Patrick Henry, une série de 5 podcasts de Basile Adair. Patrick Henry, levez-vous. Réalisé par Cédric Ossir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.